Planète Vivante, publié par le WWF il y a deux semaines, a fait grand bruit et pour cause, il annonce la disparition de 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre en moins de 50 ans. C'est une étude de plus qui vient compléter l'imposante littérature scientifique aujourd'hui sur le sujet. Oui, la biodiversité subit un effondrement inédit et il semble quasi impossible de l'empêcher ou de le ralentir. Mais comment peut-on recenser cet effondrement? Quels sont les modèles qui permettent de l'établir? Et surtout, les tentatives de réintroduction sont-elles fonctionnelles, suffisantes, nécessaires, où les espèces menacées sont-elles en mesure de modifier leur mode de vie, de varier d'habitat par elles-mêmes? Biodiversité, le crépuscule des espèces, c'est l'inéluctable problème que nous allons tenter de circonscrire dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour revenir sur ce rapport du WWF, en comprendre la méthodologie et en aboutir aux solutions, car il existe des solutions, vous l'entendrez tout à l'heure, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Aquitaine à Bordeaux, Gilles Boeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, professeur à Sorbonne Université et ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Et nous sommes ici à Paris, dans le studio de France Culture à la Maison de la Radio avec Géraldine Véron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et directrice adjointe de l'Institut systématique évolution biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle également. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, vous le savez, cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en replay sur franceculture.fr ou en podcast via votre application préférée, mais toujours en complément, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, où nous allons poster un certain nombre, eh bien, comme d'habitude, d'études, d'illustrations, de schémas, de liens, d'articles, de sources, de tout ce qui va être évoqué au cours de cette heure. Alors, pour commencer, eh bien, je le disais à l'instant, hein, ce rapport Planète Vivante, qui est publié tous les deux ans par le WWF, considère l'évolution de la biodiversité sur une période de 50 ans. Nous sommes remontés un tout petit peu plus loin que ces 50 ans, 20 ans de plus. Écoutez cette archive, elle est datée du 1er février 1950. Sur la radiodiffusion française. Nous avons vu comment la grande faune s'était amenuisée peu à peu depuis la venue de l'homme sur cette terre. Quand Livingston parcourait l'Afrique équatoriale, d'immenses troupeaux d'hippopotames peuplaient fleuves et marécages. Lors de l'arrivée des pionniers en Amérique du Nord, la savane paraissait un fourmillement de taches sombres. Aujourd'hui, rien de ces spectacles ne subsiste, sauf en quelques rares régions refuges du monde. Et quelques groupements d'hommes de science ont dû s'efforcer de sauver d'ultimes représentants de ces grandes faunes de mammifères en parquant leurs reliques dans des réserves. Voilà Roger Haim, hein, nous sommes donc en 1950 sur la radiodiffusion française. On a tendance à dire que l'effondrement de la biodiversité, c'est un phénomène très contemporain. On se rend compte que dès 1950, Gilles Boeuf, il est constatable, observable à vue d'œil. Tout à fait. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que dit Roger Haim, qui était le président du Muséum d'histoire naturelle à l'époque. Il écrit des choses très fortes. D'ailleurs, je me dis, en l'écoutant, on peut redire la même chose aujourd'hui, en accélération. Parce que dans les documents qui nous sont parvenus et que le WWF a mis en valeur, ce qui est le plus effrayant, si on peut utiliser ce mot, c'est l'accélération du process, en fait. On savait qu'il était en cours, hein. On a les rapports de 2014-2016. Mais là, ça continue, avec des zones du monde particulièrement touchées. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Alors, j'explique bien à nos auditeurs, ce ne sont pas des extinctions d'espèces. Moi qui suis un marin, je connais une espèce disparue en Europe au bord de mer depuis une quarantaine d'années. Un petit coquillage, une petite porcelaine qui vivait aujourd'hui en Hollande et qui aujourd'hui se trouve dans des zones qui sont des champs avec des vaches. C'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes. Animaux et plantes aussi, on peut aussi parler des plantes. Alors là, le travail du WWF se met surtout en branle sur les vertébrés, hein, des poissons aux mammifères. Il nous montre que ben, ce qui était initié à l'époque continue. C'est pas finalement aussi récent qu'on le pensait. Hein. Vous savez qu'on parle d'anthropocène, la fraction de l'histoire de la Terre. durant laquelle le plus puissant moteur de changement, c'est l'humain. Ça a commencé à 12 000 ans avec la mise en place des pratiques agricoles et d'élevage. L'humain avait besoin de cela. Il y a une démographie à l'époque uniquement chez Homo sapiens qui démarre. Et bien sûr, on met en culture des zones. Et pour les mettre en culture, il faut enlever des zones antérieures qui étaient riches aussi en espèces. On va revenir en détail sur le contenu de ce rapport. J'aimerais votre réaction, Géraldine Véron, à cette archive de Roger Haim. Et puis surtout à une question finalement qui est celle du référentiel. À partir de quand est-ce qu'on commence à constater le déclin ? Pourquoi est-ce que aujourd'hui on choisit une période juste de 50 ans ? Pourquoi est-ce qu'on ne remonte pas plus loin ? Alors en fait, on ne remonte pas plus loin parce que c'est très difficile de remonter plus loin. Mais on sait déjà que même au cours des dernières glaciations, et depuis ces dernières glaciations, par exemple pour les mammifères, on a perdu 300 espèces. Donc, c'est dernière glaciation qui remonte à ? Bah, la fin des glaciations, c'est 11 700 années. Donc voilà, on sait que cet impact, il existait déjà. Est-ce qu'il était combiné avec d'autres impacts, justement liés aux glaciations, au changement de cette période ? Mais effectivement, dans les dernières décennies, et particulièrement dans le dernier siècle et dans les dernières décennies, il y a une accélération qui est impressionnante. À partir de quand, finalement, est-ce qu'on commence à avoir des données statistiques suffisantes ? À partir de quand on commence à recenser cette biodiversité, Géraldine Véron ? Alors, je ne sais pas exactement, très honnêtement, mais je pense que dans les années, dans ces périodes-là, dans les années 60-50, il y a commencé à y avoir des inventaires de biodiversité, à avoir des suivis de population. Puis les méthodes ont évolué aussi ces dernières années. Pourquoi on a plus de données ? C'est par exemple tous les animaux qu'on ne peut pas voir, qu'on a du mal à compter. On a des tas de méthodes qui se sont développées. Alors, pour les grands mammifères, c'est souvent des pièges photo, par exemple, qui permettent d'accéder à plein de données, en fait, sur ces animaux. Sur le tigre, en plus, par exemple, c'est facile parce qu'on peut les identifier individuellement. Donc on peut les compter. Et puis des méthodes statistiques, des modèles aussi mathématiques. Donc ça s'est développé ces 20, 30, 40 dernières années, mais particulièrement ces dernières années. Gilles Boeuf, sur ce référentiel de 50 ans qui a été choisi par le WWF. Bah, disons, c'est les mêmes causes. C'est-à-dire qu'on connaissait un petit peu moins avant. On sait que ça a commencé bien avant, mais l'accélération actuelle est fantastique. Là, on suit effectivement 4000 espèces de vertébrés sur un nombre de populations extrêmement important. Et pour ça, il faut travailler en dynamique dans le temps sur la même région et la même zone. Et on observe quoi ? Un effondrement du nombre des individus et surtout également une restriction des zones dans lesquelles vivaient ces espèces auparavant. Je prends le cas du guépard. On a des photos de Maharaja chassant le guépard en Inde au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il reste quoi ? Allez, 70 guépards en Iran, ce sont les derniers guépards d'Asie. Comment est-ce qu'on peut finalement recenser une biodiversité dont on ne cesse de dire pourtant qu'elle n'est pas, on n'en a pas encore fait l'inventaire complet, Gilles Boeuf ? C'est une très bonne question. Et ça, bien sûr, moi-même, je me fais le reproche, je me dis, je parle de disparition, pas disparition, d'extinction non plus, je parle d'effondrement du nombre d'individus, de ce qu'on connaît. Et vous savez, il y a un joli travail sorti cet été qui montre que sur les espèces les plus emblématiques, les plus charismatiques, celles qu'on aime le plus, et Géraldine parlait du tigre, du lion, de la girafe, des éléphants, même celles-là, elles s'en vont. Je me demande si elles s'en vont pas encore plus vite que les autres. On n'est même pas fichu de garder avec nous ce qu'on aime et admire. Donc la question est posée. Et les méthodes modernes, c'est en dehors des comptages qui sont pas suffisants. En plus, c'est vrai, vous avez raison. Bon, là, sur les grands mammifères, on les connaît. N'empêche que sur la faune du sol et la faune marine, il reste des hiatus incroyables. On sait que quand on parle du nombre d'espèces dans un écosystème, allez, on en connaît 10 à 12%, c'est tout. Comment peut-on estimer un total avec de telles lacunes, souvent par des méthodes génétiques et des méthodes globales? Géraldine Véron. Oui, en fait, même sur les espèces emblématiques et les grandes espèces, on ne connaît pas grand-chose. Moi, je travaille sur les carnivores. Il y a beaucoup d'espèces d'Asie du Sud-Est sur lesquelles on ne sait absolument rien. On fait des inférences très globales et estimées, simplement parce qu'on sait que voilà, telle ou telle espèce est dans tel habitat et que cet habitat se réduit à telle vitesse. Voilà, on n'a aucune idée des populations réellement, hein, pour des espèces particulièrement difficiles à étudier, qui sont nocturnes, qui vivent au fin fond des forêts tropicales, par exemple, même sur des vertébrés. Même sur des mammifères qu'on a l'impression de bien connaître, il y a plein d'espèces qu'on connaît très mal et pour lesquelles on a vraiment des inférences très globales. Mais malgré tout, on sait et on voit par ces moyens indirects qu'il y a un impact énorme, plus d'autres impacts directs comme le trafic, le braconnage, qui par exemple en Asie du Sud-Est, où j'ai beaucoup travaillé, on sait que quand vous voyez des dizaines de milliers de pangolins en un mois saisis. Ça, c'est ce qu'on a saisi du trafic et tout ce qui passe par ailleurs, on sait que c'est énorme. On disait d'ailleurs à ce micro vendredi qu'on a découvert récemment qu'il y avait 6 espèces de tigres et non pas 2 comme on le pensait depuis longtemps. Donc c'est six la preuve. 6 sous-espèces. Oui, 6 sous-espèces. Tout à fait. C'est la preuve que même sur un animal emblématique comme ça, il reste encore des choses à apprendre. Un dernier mot pour cette introduction et puis on va rentrer dans le dur de ce rapport. Le marqueur, peut-être ce qui permet de quantifier, c'est aujourd'hui les habitats, la réduction des habitats, parce que ça, c'est visible concrètement, ça peut être cartographié. Oui, tout à fait. En fait, on a quand même des données d'habitat qui sont assez anciennes parfois. Et puis, à l'heure actuelle, on a toutes ces données satellitaires et on peut faire des catégories d'habitat de façon très fine. Hein. On peut arriver sur des zones extrêmement fines. Et ça, on connaît bien à la fois leur évolution actuelle. On peut aussi prédire l'évolution future, simplement parce que si les taux, par exemple, de déforestation continuent au même rythme, si le changement climatique va dans telle ou telle direction, on a des modèles qui nous permettent quand même d'estimer ce que deviendront ces habitats en 2050, enfin, etc. Donc on a des données quand même assez dures pour ça. Gilles Boeuf, sur les habitats. Oui, moi qui travaille sur le marin, c'est idem. On s'est focalisé sur des espèces d'intérêt économique, sur les pêches maritimes, par exemple. On a des moyens aujourd'hui qui sont, disons, qui marchent pas trop mal sur l'estimation d'un stock. Il y a combien de maquereaux à tel endroit? Il y a combien de thon rouge ici et là? Et souvent, ce qu'il faut dire, c'est que, également dans la communication dessus, il faut être prudent et précis. Il faut rester sur des choses basées sur la science. Je lisais un papier en 2011 qui disait « Le thon rouge au bord de l'extinction ». Alors nous, on n'avait jamais dit ça. Et pire, un an après, le thon rouge sauvé de l'extinction, hein, dans un grand journal. Donc vous voyez, effectivement, comme nous avons besoin de communication là-dessus, ce qui est clair, ce qui est bien répertorié, c'est qu'on a par exemple en mer exterminé 90% de tous les grands poissons pélagiques en 15 ans. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de la biodiversité, de ce rapport Planète Vivante qui a été publié à la fin du mois d'octobre par le WWF. Nous en parlons avec Géraldine Véron ici à Paris et Gilles Boeuf qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Bordeaux. Alors peut-être qu'on va parler justement du dur de ce qu'il y a dans ce rapport qui a fait, je le disais, beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de titres et on a titré parfois un peu rapidement hein, sur ce rapport. On va prendre le temps d'expliquer ce qu'il y a exactement à l'intérieur, Géraldine Véron. Qu'est-ce que ça veut dire 60% des populations d'espèces sauvages? Quelle est la méthodologie derrière? En fait, déjà, ce ne sont pas les 60% des espèces sauvages, mais 60% de vertébrés, et c'est basé sur un certain nombre d'études, alors avec un grand nombre de populations. Hein, donc, il faut faire attention, mais je crois que Gilles Boeuf le disait tout à l'heure, c'est pas disparition d'espèces, c'est bien des populations, donc les individus au sein d'une espèce. Voilà, donc ce sont ces populations qui se réduisent, même s'il y a effectivement des extinctions par ailleurs, hein, faut pas l'oublier non plus. C'est basé voilà sur des populations qui sont suivies dans le temps, avec des études scientifiques qui ont été utilisées comme en fait point repère et basé sur, alors quand on dit les vertébrés, ben ce sont les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les poissons. Gilles Boeuf, pourquoi se focaliser sur les vertébrés, précisément? C'est plus facile? Vous savez, ces travaux, on peut les faire à partir de scientifiques, bien évidemment, mais également avec une énorme participation de citoyens. Au Muséum d'histoire naturelle, avec Géraldine, on a développé d'énormes questions de sciences participatives. Et si vous voulez séduire des gens qui travaillent avec nous, il faut prendre des choses qu'eux ont envie de regarder, de travailler. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à captiver les gens sur les oiseaux que sur les puces ou les acariens. Donc c'est vrai que ça, on doit en tenir compte. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les espèces que l'on décrit, plus d'une espèce sur deux nouvellement décrite l'est faite par un non-professionnel. Donc il faut bien le raconter. C'est un aspect pratique. Le groupe de très loin le plus connu sont les oiseaux. Aujourd'hui, on trouve une, deux espèces d'oiseaux de nouveau par année. On a à peu près fait le tour. On va encore en trouver quelques-unes, mais pas énormément. Alors que vous avez des groupes où il n'y a rien. Les micro-champignons du sol, les nématodes, les acariens qu'on évoquait. Donc d'abord, la facilité d'accès. Deuxièmement, l'archivat de données depuis très longtemps, qui sont assez fiables, parce qu'on savait mettre un nom sur un oiseau depuis quand même un certain temps. Tout ça mis bout à bout fait qu'on se focalise là-dessus. Alors, on sait que ça entraîne des biais, hein. Oui. Mais je vous disais, On n'est plus précis, mais même pour ces espèces qu'on aime, qu'on évoque depuis le début de cette émission, ils partent quand même. Donc imaginons ce qui se passe pour les autres. Mais alors justement, ces espèces, comment elles sont choisies? Sur quelle base? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Gilles, l'étude porte sur 4005 espèces différentes. 4000 espèces, c'est moins de 6% près de 70 000 espèces de vertébrés connues. Donc pourquoi ces espèces-là et comment est-ce qu'elles sont recensées, Géraldine Véron? Là, la base, en fait, c'est d'avoir des espèces sur lesquelles il y a des suivis dans le temps. Tant qu'on n'a pas de référentiel, on ne peut pas faire ces estimations. Alors après, selon les espèces, les méthodologies vont être différentes. Il y a beaucoup d'espèces sur lesquelles on peut effectivement, j'en parlais tout à l'heure, faire du piégeage photo par exemple, où on peut aller disposer ces pièges photo dans la nature, avoir des quantifications. On peut vraiment faire des estimations par des méthodes qu'on appelle capture-recapture, c'est-à-dire qu'on prend un animal en photo, on sait l'identifier. Quand on le reprend en photo et on a ça pour tous les individus qui vont être dans une certaine zone, on va pouvoir vraiment avoir une estimation de l'abondance. Mais ça, c'est pour des espèces avec des populations à très faible nombre, parce que j'imagine que ça fonctionne pas sur des populations d'oiseaux dont il y a plusieurs dizaines de milliers. Sur les oiseaux, tout à fait. Sur les oiseaux, il y a d'autres méthodologies, mais ça reste un peu le même système. Ça reste quand même pour certains types de comptage de la capture-recapture. C'est-à-dire que quand vous baguez des oiseaux, vous baguez des chauves-souris. C'est le même principe finalement, hein. C'est pas une question de nombre. Après, selon les espèces, il y a des tas de méthodes d'inventaire qui sont adaptées à chaque espèce. Et là, le but était simplement d'avoir des études scientifiques avec des points dans le temps, donc pouvoir suivre au même endroit telle ou telle population. Ce qui n'est pas faisable sur beaucoup d'espèces finalement, mais ils ont réussi à avoir un chiffre global qui paraît très faible au regard de la biodiversité mondiale, mais qui finalement est relativement important quand même. Gilles Boeuf, est-ce qu'il n'y a pas, vous évoquiez des biais éventuellement, est-ce que il y a quelques instants, est-ce qu'il n'y a pas un biais justement dans le fait de se dire que les espèces sur lesquelles sont fondés l'indicateur et le chiffre que donne le WWF sont précisément des espèces qui sont suivies parce que ce sont déjà des espèces en danger, que du coup on passe à côté d'autres espèces qui pourraient proliférer? Est-ce que là-dessus, quand on est sur un aussi faible pourcentage représentatif par rapport à l'ensemble de la diversité, il n'y a pas un risque de faire d'énormes marges d'erreur? Alors, c'est une question qu'on se pose en permanence. Bon, d'abord, le nombre est déjà conséquent, hein. On parle de 4000 espèces sur effectivement un nombre de population. 16 000 populations. 16 500, disons. Ouais, 16 407. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est déjà pas mal, hein. On se donne toujours des bâtons de scientifiques en tant qu'on connaît pas, on connaît quand même des choses. Mais où Géraldine a raison, c'est que pour faire ce travail-là, si on n'a pas donné dans le temps, ça sert absolument à rien. Or, ce qui est important, c'est pas le point zéro aujourd'hui. C'est comment ça se passe depuis 100 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans. Et je dirais je répète, effrayant dans l'étude actuelle, là, c'est que ça s'accélère sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et pour les poissons que je connais bien, on fait aussi des lâchers-recaptures, on les photographie pas, mais on les prend, on les marque, on les reprend, et on a des moyens mathématiques d'estimer des stocks et d'estimer effectivement comment un stock évolue dans le temps, avec à la fois la mortalité estimée par ce qui n'est pas humain et la mortalité qui est estimée à partir des captures que les humains en font. Donc ça marche quand même pas si mal que ça. On sait très bien que c'est une petite partie du système, mais c'est bien mieux que de ne rien faire, et pour le faire bien et scientifiquement, on peut pas faire autrement pour avoir des données effectivement qui, dans le temps, sont assez conséquentes. Et du coup, comment est-ce que le WWF arrive à ce chiffre de 60% générique? Il faut bien comprendre, peut-être bien insister là-dessus, ça n'est pas un chiffre ferme, ça n'est pas un chiffre de constat, ça n'est pas un chiffre de recension, c'est un indicateur. Oui, c'est un indicateur de baisse d'ailleurs qui est variable, hein, puisqu'en fait, ils ont montré que c'était 60% globalement, mais qu'il y a des régions, et notamment en Amérique du Sud, où ce chiffre est beaucoup plus élevé. Donc il faut voir ça comme un chiffre global, et il y a peut-être des régions où c'est beaucoup plus faible. Tout à l'heure, on vous parlait aussi des espèces plus communes, est-ce qu'elles sont suivies ou pas, est-ce qu'on ne focalise pas sur les espèces rares, on va dire. En fait, non, par exemple, sur le suivi des populations d'oiseaux, on sait qu'il y a énormément de populations et d'espèces d'oiseaux qui sont suivies depuis très longtemps et qui n'étaient pas considérées comme des espèces particulièrement rares. Donc ça reste relativement global, hein. C'est pas on a pris effectivement les quelques espèces les plus rares dans les groupes et c'est seulement celle-là qu'on suit. C'est souvent sur des populations, sur des sites où il y a des ensembles d'espèces, etc. Donc c'est pas forcément donc ça semble toutefois assez indicateur d'un mouvement, et ce mouvement on le constate par plein d'autres signes. On a notamment par exemple des données anciennes liées aux collections héberge au Muséum d'Histoire Naturelle et comme dans tous les grands musées du monde. Et on peut trouver assez facilement dans ces collections des animaux qui sont pris pour une espèce dans des régions où, à l'heure actuelle, l'habitat pour ces espèces n'existe plus. Par la cartographie de ce genre d'individus, on peut voir que certaines espèces ont perdu 60-70% de leur habitat naturel. Donc on sait qu'elles ne sont plus là. Donc ce sont des moyens aussi indirects de voir ce type de baisse d'effectifs. Et ce qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est que là on a parlé beaucoup de ce rapport parce qu'effectivement ce chiffre est très alarmant. Mais ce qui est important de noter, Gilles Boeuf, c'est que ça fait 20 ans que cet indice planète vivante existe et qu'il y a un suivi dans le temps qui permet justement de quantifier quelque chose sur lequel vous êtes revenu déjà plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est l'accélération de ce phénomène. Tout à fait, parce que ce rapport, il sort pas comme ça ex nihilo. On a les rapports 2014-2016 qui disent la même chose. On n'était pas à 60, mais 58%, 56%. Quand même, ce qu'on vit depuis deux ans, moi j'ai refait de la biblio régulièrement, à partir des travaux du Muséum d'Histoire Naturelle, des collègues de Chizé, on montre un effondrement des oiseaux communs. On parle pas d'animaux rares, hein, on est bien d'accord. D'animaux communs, c'est-à-dire, 30%, par exemple, ben l'alouette des champs, par exemple, les perdrix. Sur 12 ans, il y a un travail allemand sorti l'an dernier qui a fait beaucoup de bruit. 75% des insectes qui volent. Alors, en 30 ans. On connaît même pas les espèces, ici. C'est la biomasse globale de tout ce qui vole capturé au même endroit selon les mêmes méthodes qui nous montrent qu'aujourd'hui on en prend beaucoup moins. Vous prenez votre voiture, vous allez de Paris à Montpellier, on s'arrêtait il y a 15 ans, 4 fois, 3 fois au bord de la route pour laver son pare-brise, c'est fini. Et c'est vrai que si les insectes s'en vont, les oiseaux s'en vont aussi, plus les problèmes de pollution agricole. Pourquoi ils partent, ces animaux, un peu partout? Ils partent parce que d'abord, Géraldine l'a dit, on détruit leurs habitats, c'est la première raison, on pollue tout partout, on dissémine tout partout, on surexploite, on parlait des pêches maritimes ou des forêts tropicales, et puis enfin, le climat change, et ça n'arrange pas les choses. Et sur le climat, ce qu'il faut dire, c'est que non seulement le climat qui change affecte les populations d'espèces vivantes, mais que le vivant qui s'en va affecte le retour en climat. Sans forêt tropicale, il ne pleut plus. S'il ne pleut plus, il n'y a plus d'agriculture. Sans agriculture, ce sont les humains qui s'en vont. On sait que la surpêche en mer peut affecter aussi la capacité de l'océan à stocker du CO2. Tout est lié. Sur, je lisais effectivement sur la difficulté, parce que étudier la biodiversité, comme on l'entend, c'est compliqué. On travaille sur des petits échantillons, les méthodes, il y a des modèles mathématiques qui permettent de compléter la recension effective. Mais tout ça, effectivement, je lisais un de vos collègues qui travaille lui sur le climat, enfin, qui travaille aussi avec des équipes qui travaillent sur le climat, qui disait les gens du climat peuvent parler de degrés, de tonnes d'équivalent carbone. En biodiversité, il n'y a pas de métrique. C'est difficile. C'est plus difficile. Alors il y a quand même des métriques d'une certaine manière. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des indices qui soient parlants. Mais voilà, ça dépend de ce dont on veut parler. Si on parle de biodiversité en termes de diversité taxonomique à un endroit, on peut utiliser le nombre d'espèces endémiques. Enfin voilà, il y a quand même des chiffres qu'on peut utiliser. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire quelle est la diversité au sein de cette biodiversité qui correspond à tel ou tel trait de ces animaux et qui est finalement ce qui est important dans les écosystèmes. Par exemple on peut parler des pollinisateurs, on peut parler de plein de traits de parasitisme, on peut parler de prédation, on peut parler de plein de traits qui sont importants dans les écosystèmes. Mais on peut parler aussi de la diversité qu'on appelle la diversité phylogénétique, qui est une représentation par rapport au temps passé, au temps d'évolution de telle ou telle espèce ou de tel ou tel groupe d'espèces. Et cette diversité est importante aussi, puisqu'on sait que là, on perd des millions d'années d'évolution. Il y a une étude récente sur les mammifères qui a montré que les quelques centaines d'espèces qu'on perd depuis que l'homme agit de façon importante sur ces animaux mettraient des millions d'années à être retrouvées. Et que, de toute façon, une espèce perdue n'est jamais retrouvée. Donc, on a quand même des éléments qu'on peut utiliser. Et puis, en termes d'abondance des populations, on peut trouver aussi quand même des métriques. Effectivement, c'est peut-être moins des sciences dures, donc c'est plus compliqué à faire passer. En même temps, je pense que les gens le constatent eux-mêmes. Hein, l'exemple que donnait Gilles Boeuf sur les insectes sur les pare-brises, oui. Je crois que tout le monde le constate. Le fait de ne plus rencontrer autant d'animaux. Et on le voit dans certains pays. Dans certains pays, vous vous promenez, il y a des zones de la Chine où vous vous promenez, vous n'entendez pas un oiseau. Ça paraît quand même quelque chose d'incroyable. Les oiseaux, c'est très visible, justement, les insectes aussi, parfois. Donc là, je crois que même les gens s'en rendent compte, en fait. Hein. Et même sans un rapport VVF, je pense que beaucoup de gens, si vous parlez à des gens, notamment à la campagne, mais même en ville, les gens se rendent compte de tout ça. Et puis, il y a l'indice planète vivante, il y a ce rapport VVF, mais il faut préciser que ce n'est évidemment pas le seul indice de recension de la biodiversité. Il y en a tout un tas d'autres, l'indice habitat des espèces, l'indice liste rouge de l'UICN, l'indice d'intégrité de la biodiversité. Et ce que j'essaye de comprendre, en fait, avec vous deux aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on en arrive à des fourchettes d'approximation qui sont aussi importantes que lorsqu'on parle de l'accélération, justement, de l'effondrement de cette biodiversité, on dit que ça va entre 100 et 1000 fois plus vite. C'est un delta très, très, très important, Gilles Boeuf. On ne peut pas arriver à des approximations un peu plus fines. Oui et non. Bon, 100 à 1000, ça a été dit il y a une dizaine d'années. On dit plus ça aujourd'hui. Moi, j'irais plutôt du niveau de 300 à peu près. Dans les travaux après le millénium, vous savez, en 2000, les chefs d'État se réunissent et décident d'un gros travail sur le vivant et la biodiversité. Et on sort un énorme rapport qui s'appelle MEA, Millennium Ecosystem Assessment. Une sorte de chiffres. C'est aussi le rapport qui remet en valeur une notion qui était déjà plus ancienne sur les services rendus par les écosystèmes. Depuis, comme on a des moyens un peu différents, beaucoup mieux que de compter des individus au sein de populations, Géraldine a évoqué ce qu'on peut faire, on a des choses plus précises. Et là, on revient effectivement à des taux d'effondrement qui sont peut-être un petit peu moins forts, mais qui sont gigantesques en fait. Hein. Très différents selon les organismes qu'on étudie et puis aussi selon les endroits. Il y a aussi une notion souvent qu'il faut bien faire passer au public, c'est que chaque espèce n'a pas la même valeur écologique d'un écosystème. Je parle pas d'argent. Hein. On a beaucoup insisté, nous, sur les espèces qui s'appelaient keystone, clé de voûte. Et par exemple, un castor qui revient dans les milieux, par sa seule activité, déclenche une organisation du système très importante. Il y a un joli travail fait sur l'océan par un chercheur américain il y a quelques années qui avait enlevé une étoile de mer sur une plage et qui se rendait compte que si elle n'était pas là, elle désorganisait complètement la résultante du nouvel état de l'écosystème. On passait 300 espèces à 2 ou 3 parce que l'étoile de mer n'était pas là. Donc celles-là sont essentielles. Parce que la population d'étoiles de mer n'a pas une seule étoile de mer, par la population d'étoiles de mer. Oui, bien sûr, la population, bien sûr. On est bien d'accord. Hein. Mais de la même espèce. Et ça, ces espèces qui... Je prends le cas que moi, je m'attire beaucoup aux insectes. Vous avez un arbre dans la forêt colombienne, vous avez 700 espèces de coléoptères sur l'arbre. Est-ce que le 123e a le même rôle que le 683e? J'en sais rien. Mais c'est clair que c'est tout ça qu'il faut mettre en évidence de façon globale. Et pour ça, les signatures génétiques et ce qu'évoquait tout à l'heure Géraldine sur la fonctionnalité sont très importants. Peut-être un mot justement pour conclure sur cette étude et puis on va voir qu'il y a des systèmes et qu'on essaye aujourd'hui des méthodes de réintroduction d'un certain nombre d'espèces qui sont soit en danger, soit dont les populations chutent. On va voir justement comment essayer de lutter. Mais avant cela, ce rapport, il a été beaucoup traité, il a fait la une de la presse. Est-ce que ça a eu l'écho nécessaire et suffisant pour éveiller les consciences? Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les gens ont conscience. Vous le disiez tout à l'heure, Géraldine Véron, les gens peuvent le constater chez eux, à la campagne, cette baisse de la population et des biodiversités. Mais est-ce que ça déclenche une prise de conscience, un éveil citoyen? Ben ça, c'est difficile à estimer pour l'instant. On sait que aussi bien les scientifiques que les ONG alertent régulièrement, et là, de plus en plus, hein, fréquemment, de plus en plus fréquemment. Après, est-ce qu'il y a une réaction à la fois des citoyens et des pouvoirs publics? Malheureusement, très clairement, ces dernières années, pas suffisamment, sinon on n'aurait pas ce constat-là, justement. Il y a toujours, on en avait parlé déjà, Gilles Boeuf, à ce micro avec vous, hein, il y a toujours ce problème un peu qui est que les rapports s'accumulent, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont tous mauvais, et que ça devient une sorte de bruit de fond auquel on a l'impression que les gens ne sont peut-être de moins en moins sensibles ou se sont finalement habitués. Tout à fait. Revenez au 20 mai cette année, quand Nicolas Hulot, après les papiers publiés justement sur l'effondrement des insectes volants et sur les oiseaux des terres agricoles, oiseaux communs, je répète, dit à l'Assemblée nationale « Indignez-vous !» Il est super applaudi par les gens de l'Assemblée. Mais qui est descendu dans la rue? J'étais l'autre jour à l'Université catholique de Lille, j'ai eu un très grand débat intéressant avec Cyril Dion et Dominique Bourg, et il y avait 800 personnes dans la salle. On peut mobiliser 1 million de personnes pour certaines choses. On n'arrive pas à le faire pour ces questions-là. En fait, pour moi, nous ne sommes pas parvenus encore, scientifiques et puis environnementalistes, à faire passer ces questions-là du cerveau aux tripes. Le jour où les gens prendront ça aux tripes, ces questions d'effondrement du vivant qui nous entoure, je rappelle ici à chacun que notre lit, chaque matin, contient 1 à 2 millions d'acariens. on a plus de relations intimes avec nos agrins qu'avec notre copine. Hein. Eh bien, on ne descend pas dans la rue. Donc c'est vrai que là, je crois qu'il faut vraiment que cette prise de conscience soit assortie de véritables mouvements populaires. Regardez sur le climat, on a réuni quoi ? En 3 manifs, allez, 100 000 personnes dans la rue. C'est ridicule. Je ne sais pas combien il y aura de gens dans la rue pour la manif anti-prix du carburant la semaine prochaine. Hein. C'est à la fin de la semaine. Et pourtant, fin de la semaine. Mmh. Ça veut dire que quand est-ce qu'on fera prendre conscience à nos concitoyens que ce n'est pas des questions d'écolo farfelus ou de scientifiques éthérés, c'est une question absolument fondamentale à prendre aux tripes pour l'avenir des humains qui ne pourront pas vivre sans cette diversité. Géraldine Veyron, il y a un échec de l'écologie politique, il y a des appels encore, hein, il n'y a pas si longtemps, notamment lancés par Aurélien Barraud, en disant c'est la priorité aujourd'hui, toute action politique qui n'est pas écologique, profondément, sincèrement, immédiatement, c'est une action qui n'a plus de valeur. Oui, tout à fait. Non, il est vraiment temps. Il y a une urgence. Parce que ce qu'il faut vraiment, et je pense que là, peut-être le rapport quand même le souligner, c'est l'accélération et l'urgence. Ça, c'est très clair, et que cette urgence-là doit être vraiment prise en compte de façon maintenant plus importante. Oui, c'est clair. Une peau tigrée danse au sommet de mes cuissardes, et je n'ai rien de plus sur le dos que ce manteau qui léoparde. Tout autour de moi, je vois des gens qui me regardent, je vois des yeux qui brillent et qui me déshabillent. Les filles voudraient mon manteau et les garçons ma peau, mais je ne peux rien leur donner car je suis nue sous mon manteau. Et quant à ma peau, excusez-moi, mais je la garde. Je la garde pour toi, nous tomberons à tes pieds là, à chaque fois que tu le voudras, mon léopard et moi. Une peau tigrée danse au sommet de mes cuissardes, et je n'ai rien de plus sur le dos que ce manteau qui léoparde. Et comme un chasseur, toi tu te mets en embuscade. Chaque fois tu fais mouche, chaque fois tu nous couches. Sous les plis de mon manteau, tu découvres ma peau. Alors tu me pends à ton cou, comme on le fait pour un trophée. Et toute la nuit, en chien de fusil, tu me gardes dans le creux de tes bras. Nous tomberons à tes pieds là, à chaque fois que tu le voudras, mon léopard et moi. Nous tomberons à tes pieds là, à chaque fois que tu le voudras, mon léopard et moi. Et oui, il fut un temps où Brigitte Bardot portait encore des peaux d'animaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, c'était mon léopard et moi, donc de Brigitte Bardot, à 16h30 dans la méthode scientifique, puisque nous parlons du rapport Planète Vivante, du WWF, de la chute de la biodiversité en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Aquitaine à Bordeaux, avec Gilles Boeuf, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, professeur à Sorbonne Université, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, et avec Géraldine Veyron, qui est avec nous ici en studio à Paris, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle également et directrice adjointe de l'Institut Systématique Évolution et Biodiversité. Alors, comme on essaye de sortir de ce discours qui est uniquement catastrophiste, parce qu'il faut bien pouvoir dire autre chose et ne pas se contenter d'un discours alarmiste, eh bien nous allons évoquer dans cette deuxième partie de l'émission les solutions, voir si elles sont suffisantes, si elles sont nécessaires certainement, et en tout cas la question épineuse de la réintroduction d'espèces. Il existe différentes méthodes, différents programmes de réintroduction. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au Centre d'écologie des sciences et de la conversation du Muséum national d'histoire naturelle. pour vous intéresser à l'un de ces programmes de réintroduction. Oui, j'y ai retrouvé Françoise Sarrazin qui dirige un programme de réintroduction d'espèces sauvages. Son équipe a pour mission d'aider à la restauration de populations par transfert d'individus. On appelle ça des translocations de conservation. En pratique, ça veut dire capturer, déplacer, puis relâcher des animaux dans les écosystèmes critiques. De cette manière, ils ont réussi à réintroduire 28 espèces de mammifères en Europe, soit 14% des 202 espèces de mammifères terrestres sur le continent. Nous, en tant que chercheurs, on intervient dans l'accompagnement de ces programmes, surtout pour aider à la gestion, à l'orientation de ces programmes, à l'évaluation de leur efficacité et éventuellement à proposer des voies alternatives quand certaines situations sont rendues difficiles. Vous êtes un peu pilote dans ce qu'on appelle la translocation, du moins la colonisation assistée de certaines espèces. Alors, est-ce que vous pourriez définir ce projet-là ? Alors, on ne peut pas prétendre être pilote par rapport à ça, mais on essaye d'avoir des réflexions qui portent sur toute la gamme des translocations. Donc, on travaille notamment en collaboration avec l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui essaye d'émettre des recommandations par rapport à ces opérations et qui a défini des grandes catégories d'opérations. Donc, on parle de réintroduction quand on remet des espèces dans leur aire d'origine, dans leur aire d'indigénat, en quelque sorte, dans laquelle elles ont évolué. Mais on a également des renforcements de population quand les populations sont encore présentes, éventuellement un peu en difficulté. Et puis, ce qu'on appelle les colonisations assistées consiste effectivement à se poser la question d'introduire des espèces dans des milieux dans lesquels elles n'ont pas coévolué pour l'instant, mais qui seraient des milieux favorables à leur maintien à long terme. Alors c'est une question extrêmement sensible, c'est pour ça qu'on est très prudent par rapport à ça, extrêmement sensible dans la mesure où il y a beaucoup de questions actuellement sur les invasions biologiques et sur les déplacements malencontreux d'espèces qui, pour certaines d'entre elles, posent des problèmes aux humains ou à la biodiversité. Et donc ces questions-là soulèvent beaucoup de questionnements éthiques, mais aussi écologiques, pratiques, techniques. Et donc on essaye d'avoir des réflexions là-dessus aussi avec des collègues. Et comment vous pouvez évaluer la résilience d'une espèce donnée en fonction de l'endroit où elle est réintroduite, dans son milieu d'origine ou dans un environnement auquel elle ne serait pas adaptée a priori ? Alors ça, la question doit se poser en amont, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à estimer en prévision, en quelque sorte, à faire des modèles prédictifs par rapport à ça. Donc il y a une part un peu d'expérimental qui est toujours mise en discussion. L'aspect évaluation a priori porte sur la qualité des habitats potentiels et surtout sur les dimensions de la niche écologique qui vont être disponibles pour l'espèce et les impacts qu'elle peut avoir. Donc ça passe à la fois par des analyses de faisabilité qui vont inclure des scénarios qui discutent la viabilité de ces populations dans les environnements où on va essayer de les remettre. Normalement, on devrait aussi développer des analyses de risque pour justement voir comment l'arrivée de ces espèces peut poser des risques potentiels aux autres espèces. Et ça, c'est tout un monde qui reste encore largement à structurer parce que c'est terriblement développé au cas par cas, à dire d'experts, et il y a encore beaucoup de choses à développer en termes de recherche. Un de vos objectifs, c'est aussi d'étudier la diversité phylogénétique. Vous avez étudié de cette manière-là 28 espèces de mammifères qui ont été réintroduites en Europe, donc des rongeurs, des ongulés, des carnivores, des logomorphes. Comment ça s'est passé ? Alors, donc là, vous parlez de travaux qui ont été menés dans le cadre de la thèse de Charles Thévenin. Là. Et donc, c'est une thèse qui a porté sur les bilans de ces opérations de réintroduction qu'on a pu identifier à l'échelle de l'Europe concernant plusieurs groupes, notamment oiseaux et mammifères. Mais on a voulu voir ce que ça donnait en termes de dimension évolutive, c'est-à-dire est-ce que ces espèces représentent un petit peu la diversité phylogénétique des espèces présentes, ou aussi est-ce qu'elles concernent ou pas des espèces qui seraient un peu originales dans ces phylogénies, c'est-à-dire qui auraient une histoire évolutive un petit peu plus lointaine par rapport à d'autres espèces. Donc globalement, on ne voit pas de relation en termes de diversité, c'est-à-dire qu'il y a bien des biais d'espèces, et en même temps ces biais peuvent être dues aux motivations des gestionnaires et aussi en partie au fait que certaines espèces ont été plus menacées que d'autres. Par contre, on voit bien un signal significatif en termes d'originalité phylogénétique. Et ça semble vouloir dire qu'effectivement, ces biais attribués à certaines espèces pour les réintroductions ont en partie généré un intérêt pour des espèces qui ont une histoire évolutive particulière. Donc, quelque part, une contribution potentielle de ces opérations, même si ce n'était pas leur but premier, à une conservation aussi de l'originalité de ces espèces en termes évolutifs. Il y a le problème des invasions biologiques. Comment on peut évaluer ou anticiper les impacts sur les autres espèces endémiques ? Tout à fait. Alors là, nous, quand on travaille sur des réintroductions, on est sur des espèces qui ont coévolué localement. Donc, a priori, on n'est pas censé avoir amené des espèces qui posent des problèmes majeurs dans leur environnement. Par contre, ces espèces, elles ont coévolué avec leur environnement et a priori, sauf en cas d'arrivée d'autres espèces qui auraient pris leur place pendant leur absence, entre guillemets, pendant leur extinction, on est sur des espèces qui ne devraient pas présenter de problèmes majeurs en termes d'invasion biologique puisqu'elles sont natives, elles sont présentes ici. Par contre, effectivement, dès qu'on est sur des sorties de ces espèces de leur aire de distribution historique, là, on est effectivement sur des questions beaucoup plus complexes. Voilà le reportage du jour sur un certain nombre de questions qui sont liées à la réintroduction d'espèces dans leur milieu naturel. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, simplement, pour commencer, Géraldine Véron. Ces réintroductions sont des faits majeurs pour pas mal d'espèces. Hein. Ça a été fait beaucoup chez les vertébrés, chez les mammifères en particulier. Je noterai juste que plusieurs choses, c'est que il faut déjà que l'habitat soit préservé. Ça me paraît la chose cruciale. Que la cause du déclin de cette espèce dans le lieu considéré soit connue et été éliminée. Et puis, pour revenir sur ce qui était évoqué d'importance de la diversité phylogénétique, c'est d'autant plus important, effectivement, que ce soit fait sur des choix d'espèces à histoire longue, qu'il a été montré qu'elles sont plus sensibles à l'extinction. C'est-à-dire que ça a été montré, par exemple, chez les mammifères dans les forêts tropicales. Ils ont testé, en fait, par rapport à la phylogénie et à ce qu'on appelle la longueur des branches sur l'arbre, hein, vraiment la durée de l'histoire, que les espèces à histoire très ancienne étaient plus sensibles aux perturbations de la forêt, comme la coupe de forêt ou l'exploitation, etc. Donc ça montre que ce sont des espèces plus sensibles, pour plein de raisons, parfois parce qu'elles sont plus spécialisées, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être une des raisons. C'est toujours un phénomène complexe, ces histoires de réintroduction. Sur beaucoup d'animaux aussi, il faut penser que parfois des sources sont des animaux captifs. Moi, je travaille sur les carnivores. On sait que pour les carnivores captifs, il y a un vrai problème d'adaptation à un retour au milieu naturel sur des animaux qui ont été conservés parfois pour plusieurs générations. Il y a quelques exemples de succès dans le monde. Mais relativement peu, en fait. Hein. C'est-à-dire que la préservation via la réintroduction, on peut renforcer des populations, ça c'est très important. Favoriser l'extension des populations, c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, quand on est trop près du bord de l'extinction, c'est très très compliqué. Surtout si l'habitat a été dégradé. Les causes, notamment l'exploitation, ou le braconnage ou d'autres causes comme ça, sont toujours présentes. Gilles Boeuf. Disons que moi je suis extrêmement réservé sur les réintroductions, on peut en discuter, mais sur les introductions dans un territoire où il n'était pas auparavant. Regardez ce qu'on a fait au Kerguelen. On avait une invasion de pissenlits venue par les humains. On a mis des lapins, c'est une catastrophe. Les rennes qu'on a mis, on a fini par les éradiquer complètement. Il y a plein d'exemples comme ça. Les truites et les saumons qu'on a emmenés dans les îles australes, c'est aussi une catastrophe parce que toutes les populations locales, les poissons introduits dans le lac Titicaca, des truites. Parce que ça faisait sympa, le lac Titicaca avait une température idéale pour la truite. Elle a bouffé toutes les populations endémiques de Restias qui vivaient là-bas, et les populations locales qui savent pas ce que sont les truites, les mangent pas. Donc faut être extrêmement prudent et très réservé. Mais des scientifiques ont participé à cela, mais de moins en moins. Vous savez, au muséum, il y a 2 siècles, on disait au capitaine de vaisseau, ramenez tout ce que vous voulez, des plantes, des arbres bien sûr, des animaux, plus on en aura, mieux ce sera. Et ça s'est très mal terminé, cette histoire-là. Donc, extrêmement prudent sur le fait de mettre des espèces dans des milieux où ils n'étaient pas auparavant. Sur les réintroductions, je prends le cas des perruches de Nouvelle-Zélande, il a fallu trouver des biotopes. La Géraldine a 1000% raison. Par exemple, dératiser une île, il a fallu qu'on enlève tous les rats amenés par les humains, bien évidemment, sur une île, pour qu'on puisse réintroduire une population d'oiseaux qui a réussi à partir de quelques couples fondateurs, donc sur une très faible base génétique, à repartir. Et après, il faut leur fiche la paix. Hein, le vivant ne marchera que si... Et là, les écolos ont fait autant de bêtises. Que... Oui, oui, parce qu'on tombe dans un autre type d'extrémisme, en fait. Donc aujourd'hui, on peut participer à quelques actions particulières, mais faire extrêmement attention à ce qu'on fait en prêt, insister sur le fait que l'écosystème doit pouvoir effectivement les récupérer, et puis se méfier de ce qui va se passer. Développer une culture de l'impact a priori, après c'est trop tard. Ces programmes de réintroduction, ils sont parfois, comme vous venez de l'entendre, effectivement critiqués par Gilles Boeuf quand il s'agit de réintroduire une espèce dans un endroit, dans un écosystème qui n'était pas le sien. Mais quand on essaie de faire revenir par ailleurs des espèces qui sont prélevées d'un autre endroit, qui viennent parfois de captivité, c'est compliqué. Il y a un exemple d'un échec, parce qu'en par ailleurs ça coûte relativement cher, c'est le lamantin en Guadeloupe. Charline Véron. Oui, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, en fait, hein, qui ont coûté très, très cher et qui parfois aussi partent sur de mauvaises bases parce que, effectivement, il faut que l'habitat soit là. Il faut que les études, effectivement, ou d'impact ou de possibilité de survie de ces animaux soient faites de façon vraiment très précautionneuse. C'est assez complexe, hein, et que les animaux, effectivement, venant de captivité puissent être transloqués, même si c'était leur habitat d'origine naturelle. Redéplacés et remis dans leur habitat. C'est assez complexe. Il y a quelques cas où les espèces ont pu être vraiment sauvées, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a une espèce de mustélidé américain pour lequel ça avait été le cas, mais on les compte vraiment sur les doigts, peut-être des deux mains, allez, pour les grands mammifères en tout cas. Donc ça reste quand même assez exceptionnel. Il y a des cas, par contre, les renforcements de population, voilà. Ça on sait que ça marche. Enfin, ça a été montré dans plein d'endroits. C'est-à-dire qu'il faut bien faire du distinguo. Hein. C'est-à-dire, oui, vraiment, c'est-à-dire de dire qu'il y a une chose. Population qui est encore là et on réintroduit un peu de diversité génétique pour éviter les phénomènes de consanguinité. Tout à fait. Et même l'extinction. La diversité génétique, parfois, effectivement, idéalement, on fait très attention à tout ça. Mais on sait que, par exemple, les populations de castors en France étaient réduites à quelques animaux en Camargue. Il y a eu quelques introductions, mais si on comptait le nombre d'individus qu'on a remis, enfin, qui sont de point de départ, ils étaient très, très, très faibles. À l'heure actuelle, ils ont vraiment bien recolonisé. Alors, y compris dans des endroits où on ne sait pas depuis quand ils avaient disparu, on ne sait même pas s'ils y étaient vraiment. Bon, c'est un peu particulier, mais ça se passe très, très bien. Donc, oui, il y a une mesure, ça dépend des espèces aussi. Enfin, voilà, effectivement, il faut prendre cette précaution-là. Mais on sait que la recolonisation, favoriser la recolonisation par plein de moyens qui peut passer par le renforcement de population, ça, c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc, c'est là où on voit l'urgence. C'est-à-dire que cette urgence qui, pour revenir à ce rapport WWF, elle est là. C'est-à-dire qu'on sait que quand on arrive à un point un peu de non-retour, que c'est un peu trop tard, ce sera extrêmement difficile. Quand les populations ont été un peu en déclin et qu'elles sont encore là et qu'on peut les renforcer, les aider, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. On sait l'identifier avec précision, ce point de non-retour, ce point de bascule à partir duquel il est trop tard pour renforcer une population. Gilles Boeuf ? C'est une question qui est fondamentale. Hein. On appelle ça les spirales d'extinction. À partir de quel moment ? De toute façon, quand une espèce disparaît, il faut tout faire pour la garder. Moi, ma directive claire, c'est faisons tout ce qu'on peut faire pour garder les populations en place, avoir dans les pensées, ramener des choses de l'extérieur. Je suis pas contre les réintroductions dans des zones où ils étaient auparavant. Ce que je critique très fortement, c'est même des espèces dans des zones où ils n'étaient pas. Des espèces de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud, parce que les fjords se ressemblent. Chaque fois, ça s'est terminé par des histoires qui ne fonctionnaient pas, ça. Mais aujourd'hui, c'est comment on fait pour permettre à une population de repartir. C'est vrai qu'à 1809, comme le Géraldine, moi j'y crois aussi, c'est possible. Hein. Mais il faut regarder ce qu'on fait. Par exemple, l'ours des Pyrénées, c'est une vraie question. Est-ce que les souches génétiques des ours qu'on met dans les Pyrénées françaises sont des ours slovènes, hein, pour un tel écosystème sur l'ours brun, oui. Ouais. On se pose beaucoup ces questions-là. Mais oui, mais parce qu'on sait qu'il n'y a plus de source d'ours des Pyrénées, parce que quand Canel est morte, eh bien, c'était la dernière de son espèce et que maintenant on est mais obligé si, de... Mais si, il y en a du côté espagnol des ours. L'ours n'est pas éteint dans les Pyrénées. C'est là que je suis pas d'accord, en fait. Hein. Alors, si on n'a pas l'avis des populations locales qui sont OK pour le faire, ben, on le fait pas. L'ours n'a pas disparu. Donc c'est vrai que dans les écosystèmes français, oui, parce qu'on a effectivement développé des activités humaines incompatibles avec la survie d'un prédateur comme celui-là. S'il y a un engouement général pour le faire, moi je suis OK, tout à fait, hein, en faisant attention à la souche génétique qu'on utilise pour le faire. Et c'est la grosse différence entre une espèce qui revient d'elle-même dans un écosystème dans lequel elle était, c'est le cas du loup par exemple en France, par rapport à l'ours. Et ça, il faut absolument le discuter de façon très claire au niveau écologique et aussi avec les populations au niveau sociologique. On voit bien, Géraldine Véron, que l'ours c'est un vrai problème. problème dans les Pyrénées. Je veux dire, c'est un vrai problème avec les populations locales. Il y a un vrai, c'est un vrai sujet de crispation. Les éleveurs disent que ça tue un nombre important de leurs brebis. Enfin, voilà, il y a un vrai, on peut, c'est difficile de réintroduire une espèce contre la population qui a colonisé ce territoire. Oui, c'est très, très difficile. C'est pour ça que, l'idéal, c'est de ne pas les perdre, surtout les grands prédateurs, parce que c'est le retour est toujours compliqué. Après, la perte, elle est inhérente au milieu naturel. Il y a des pertes via les chiens errants, il y a des pertes via les ours, les loups, etc. Mais on est dans un milieu naturel et il y a un certain nombre de conséquences d'actions de ce milieu. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour les gens qui essaient de vivre et de gagner leur pain, on peut le comprendre. Donc c'est toujours quelque chose de complexe. C'est pour ça que quand on peut et quand on voit qu'on se rapproche trop près d'un point limite, il faut vraiment agir en extrême urgence. Après, il est presque un peu trop tard. C'est vrai qu'il est presque un peu trop tard pour l'ours des Pyrénées côté français. Côté espagnol, la situation est un petit peu différente. Et il est vrai également que l'ours n'est pas une espèce en voie d'extinction. L'ours brun se porte relativement bien dans certains endroits. Il se porte très très mal dans l'ouest de l'Europe. Donc c'est aussi une question de choix, de ce qu'on veut comme nature dans notre pays. Il y a une autre technique aussi qui a fait son apparition, qu'on appelle le ré-ensauvagement, c'est-à-dire l'idée de dire qu'à un moment donné, quand on a supprimé d'un écosystème une espèce, et souvent des espèces en haut de la chaîne trophique, eh bien d'un seul coup tout le milieu d'un seul coup s'effondre. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Gilles Boeuf, avec l'étoile de mer sur la plage. Et aujourd'hui, juste ramener une espèce permet de faire repartir et de rééquilibrer tout un écosystème. Le cas emblématique, ça a été effectivement le retour du loup dans Yellowstone. Il existait, il était très abondant, et puis il est parti parce que les humains sont intervenus pour le faire partir. Et là, on a un joli exemple, mais les loups étaient déjà là auparavant. C'est pas un animal amené d'un endroit où il avait jamais été auparavant. Faut bien insister là-dessus, c'est une grosse différence. On a découvert de façon spectaculaire que ce loup a eu sur les écosystèmes une influence considérable. Elle était vraiment clé de voûte, keystone, je disais tout à l'heure. Par exemple, vous avez modifié la végétation, les arbres. Au départ, les écologues, je fais une différence, n'avaient pas imaginé avec cette ampleur-là ce que pourrait avoir le retour du loup sur ces écosystèmes. Par exemple, c'est un cas, concrètement. On a vu effectivement que ces loups revenus ont permis de contrôler des populations de prédateurs des arbres et des végétaux de l'écosystème en question. On a retrouvé, j'aime pas le mot d'équilibre, mais une certaine harmonie entre les populations chassées et les animaux qui chassent ces populations chassées. Et puis tout l'écosystème s'en est ressenti avec une modification spectaculaire de l'apparence de ces écosystèmes. Et c'est là que ces actions-là sont vraiment essentielles. Regardez ce que disait Bernie Krause, qui travaille sur les sons de la nature. Au Costa Rica, on dit toujours, le Costa Rica est emblématique. J'en suis pas convaincu. On enlève un arbre sur 10 de sa sauvegarde de la biodiversité. D'accord. Et on dit, effectivement, regardez, on enlève un arbre sur 10. À la vue, on voit aucune différence. Mais il me dit, quand j'enregistre les sons, c'est pas du tout la même chose qu'auparavant. Il y a encore des oiseaux, mais ils ne chantent plus. Et c'est là que ces questions écologiques sont essentielles. C'est pour ça qu'avant de manipuler de façon très profonde ces systèmes, il faut vraiment, a priori, faire de solides études, ce que disait tout à l'heure François Sarrazin aussi, et imaginer l'impact qu'on pourra avoir. Le cas de Yellowstone, c'est un joli exemple, mais sur les réintroductions dans des zones où les espèces avaient disparu, ça a marché pour l'oryx d'Arabie. Le cheval de Przewalski, c'est un joli exemple aussi, mais il n'y en a pas beaucoup, comme disait Géraldine tout à l'heure. Géraldine Véron, sur cette notion de cascade trophique et sur finalement la possibilité de revenir à une forme d'harmonie, pour ne pas dire équilibre. Oui, c'est ce qu'on connaît du fonctionnement des écosystèmes. On sait, il y a d'autres. Enfin, c'est vrai que cet exemple du Yellowstone est vraiment emblématique et est devenu aussi quelque chose qu'on peut citer. Mais il y a plein d'exemples. On sait, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire dans la baisse comme dans le retour, que les choses se fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire qu'on a le cas aussi de la grande faune, comme les éléphants et les grands singes, qui sont disperseurs de graines, que ces animaux dispersent des arbres à grosses graines. Si ces arbres à grosses graines n'ont plus de disperseurs, cette grande faune disparaît et on rentre dans une spirale infernale. Mais elle marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on favorise le retour d'un de ces grands disperseurs de graines, ça va aider cette forêt qui va elle-même aider ces animaux. Donc, ça marche dans tous les écosystèmes. Et ça, on parle de choses très simples et simplifiées, qui en fait sont beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que là, on voit quelques éléments de cette chaîne, mais on sait qu'en fait, il y en a énormément d'autres. Il y a énormément d'animaux. Je crois que Gilles Beff a évoqué le castor tout à l'heure. Mmh. On sait que refaire revenir le castor, ça fait revenir plein de choses. Ça fait revenir des oiseaux. Les gens peut-être voient pas le lien, mais en fait il y en a un. Et bien sûr, parce que barrage, parce que coupe des arbres, voilà. Avec repousse, des tas de branches, etc. Enfin voilà, un maintien de certaines berges. Enfin, il y a tout un tas de fonctionnements comme ça. Il y a une très belle étude qui est parue cet été dans Nature qui montre qu'effectivement la réintroduction des castors permet en plus, pareil, de remettre les rivières dans leur lit ou ça joue sur les terrains aussi. Enfin. Voilà, tout à fait. En fait, et je pense que c'est le cas en fait. Si on prenait pratiquement toutes les espèces, on pourrait retrouver des exemples. Alors à une échelle plus ou moins visible, il se trouve que pour le castor ou pour le loup, c'est visible, donc on peut le décrire et en parler. Mais je pense que c'est le cas en fait pour la plupart des espèces. Donc il faut se rendre compte de ça et que finalement peut-être que ces espèces emblématiques ont cette action-là, c'est-à-dire que elles sont visibles. Les animaux, les gens trouvent certains animaux très sympathiques et peut-être que c'est important. Je pense que malgré tout, qu'il y ait des symboles comme le grand panda, etc. C'est gênant quand on travaille sur les blattes ou les cafards, mais malgré tout, ça reste emblématique dans le sens où on sait que l'aide pour ces animaux-là attire plus les ONG, les gens, enfin tout le monde, et que ça peut aider. Donc finalement, pourquoi pas les utiliser ? Ça ne suffit pas, malheureusement, mais il y a plein d'exemples qui montrent qu'en fait, ça fonctionne comme ça et qu'une de ces espèces emblématiques, comme le loup dans Yellowstone, change complètement la donne pour l'environnement lui-même. Pour conclure, j'aimerais qu'on parle d'un papier qui a été publié il y a quelques semaines, c'était le 27 octobre, à peu près au même moment, dans le New Scientist, qui parle justement de ces espèces que l'on pense assigné à un seul écosystème, à un seul type d'écosystème, et qui finalement réussissent à se déplacer et à revenir, Gilles Beff, dans des écosystèmes qui étaient des écosystèmes antérieurs à ceux finalement de l'apparition de leur dérangement finalement par les activités humaines. C'est-à-dire que on retrouve par exemple des alligators dans de l'eau salée, on retrouve des pumas dans des plaines de Patagonie alors qu'on pensait que c'était que des animaux de montagne. Ça m'étonne pas. C'est la puissance et la résilience du vivant. C'est connu depuis longtemps. Alors, vous savez, Jordi, leur fiche la paix. Ça veut dire que l'animal va s'adapter, bien sûr, aux contraintes que l'humain lui fait subir. Le puma, c'est pas le meilleur exemple, parce que le puma a toujours été un carnivore incroyablement plastique. Je le connais du nord de l'Alaska à la Terre de Feu, en très haute montagne, dans la forêt amazonienne. J'ai des collègues qui sont paysans au Chili, qui l'ont dans leur jardin, dans leur champ. J'ai vu des pumas se nourrir de carcasses de baleines sur le littoral. Il est partout. Je crois que c'est le plus plastique que j'en puisse imaginer. Donc lui, c'est normal qu'il s'adapte. On a fait des images de pumas magnifiques à Hollywood, dans des périphéries de villes. Hein, les panthères rentrent en Inde aujourd'hui, au centre de Bangalore, manger des chiens. Donc le vivant, effectivement, réagit face aux contraintes qu'on lui fait subir. Ce qu'il faut faire, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui beaucoup mieux préserver que d'imaginer, on laisse partir, on verra ce qu'on fait après. Vous savez, il y avait un poète chinois qui disait... Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. C'est encore plus compliqué pour les écosystèmes. Donc, leur fiche la paix, réfléchir, appuyer dans tout ce qu'on fait, comment on peut les garder et les conserver avec nous, parce qu'on ne pourra pas s'en passer, ça me paraît fondamental. Il y a aussi des condors hein, qui finissent par arriver à nicher dans des arbres alors que d'habitude ils nichent sur des montagnes. C'est ce que raconte un peu cet article du New Scientist. Un mot de conclusion, Géraldine Véron, justement à ce propos, c'est que ça veut dire que la résilience, comme on le dit, alors elle est évidemment bien étudiée, mais elle est aussi relativement encourageante. Elle est peut-être aussi un peu plus puissante que ce que l'on imagine de ces espèces. Peut-être, oui, effectivement, et ça peut donner quelque chose d'une image positive. Bon, faut faire toujours un petit peu attention à ce genre d'études parce que on sait aussi que parfois les animaux sont contraints. S'il y a certaines espèces qui viennent se nourrir aux abords des villes, c'est peut-être parce que leur habitat naturel s'est réduit et leurs proies se sont réduites. Donc, faut faire attention à ça. Mais effectivement, il y a de l'adaptation, mais il n'y a pas de l'adaptation pour tous. Il faut penser qu'il y a des espèces qui ont besoin d'un habitat extrêmement spécifique et sans protéger cet habitat-là. Ces espèces vont disparaître. C'est le cas de quand même beaucoup d'espèces. Mais effectivement, par les habitats, par les corridors écologiques aussi. Il y a vraiment des animaux qui ont vraiment des spécificités, qui peuvent parfois s'adapter, qu'on voit parfois dans d'autres habitats. Ça ne veut pas dire qu'ils y survivent. Ça veut dire qu'ils peuvent y trouver à manger. Ça peut dire qu'ils peuvent y survivre de façon temporaire. Ou ça peut dire qu'ils y ont été acculés d'une certaine manière. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est la protection des habitats et l'exploitation des animaux qui pose problème. Mais effectivement, il faut rester positif et il faut essayer d'encourager au maximum l'extension de ces populations. Vous voyez, Gilles Boeuf, on parlait tout à l'heure d'écologie politique. Il y a un de nos auditeurs qui vient de nous dire sur Twitter qu'il faut vous dire qu'il est urgent que vous incarniez une figure tutélaire en politique. Donc vous voyez, je fais passer le message. Je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné ou pas, mais en tout cas, les auditeurs de la méthode scientifique et puis d'autres radios, évidemment, vous aiment beaucoup. Et je pense qu'ils aimeraient vous voir incarner cette figure-là. On en a parlé quand Nicolas Hulot est parti. Ouais, bon courage. Bon, merci beaucoup à tous les deux en attendant peut-être le début de votre carrière politique. Merci Gilles Boeuf, merci Géraldine Veyron, merci beaucoup à nos camarades de France Bleu Aquitaine pour le duplex depuis Bordeaux. Je profite des quelques minutes que j'ai pour vous dire que à ce propos, sur le même thème, le numéro de Bibaud, c'est chez Glénat, le numéro 13, s'intitule Affronter la sixième extinction. C'est une belle revue qui traite des sujets que nous avons parlé aujourd'hui. Et puis une autre revue qu'on aime beaucoup à la méthode scientifique qui vient de sortir son nouveau numéro, son numéro 5, c'est la revue Relief qui est consacrée au ciel, voilà, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et dont on reparlera certainement bientôt pour vous en détailler le contenu dans la méthode scientifique. Merci comme chaque jour à toute l'équipe qui m'a assisté dans la préparation de cette émission, Tom Humdenstock, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Agathe Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode, eh bien demain on prend les mêmes, on recommence. 4 des 7 unités fondamentales de mesure ont été redéfinies, dans le kilo, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va en prendre toute la mesure. Et puis un mot pour vous dire que il faut noter dans votre agenda une petite croix, puisque vendredi une émission spéciale vous attend. Vous a concocté une super émission puisque ce sera la 500e de la méthode scientifique déjà, donc on a mis des petits plats dans les grands. Notez ça, on s'est fait plaisir, on espère que ça vous fera plaisir aussi. On se retrouve en attendant demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.